بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، on continue donc aujourd'hui la lecture de cette épître, les six fondements de Cheikh al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On a vu lors de la dernière assise le premier fondement qui est la sincérité, ou le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que ce fondement est en réalité la base de la religion et le plus important des fondements. En effet, toutes les œuvres du serviteur sont basées sur celui-ci. Et c'est à celui-ci qu'ont appelé l'ensemble des messagers, alayhimus salat wa salam. L'auteur a ensuite dit, rahimahullah ta'ala, le deuxième fondement est qu'Allah a ordonné l'union dans la religion et il a interdit la division dans celle-ci. Il a expliqué cela d'une explication suffisante que comprennent les gens ordinaires. Il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont divisés et ont divergé avant nous et qui ont ainsi péri. Et il a mentionné qu'il a ordonné aux musulmans l'union dans la religion et il leur a interdit de se diviser dans celle-ci. Et ceci est encore plus clair avec ce qui est rapporté dans la sunna comme chose étonnante à ce sujet. Puis la situation est devenue telle que la division sur les fondements de la religion ainsi que sur ses branches est désormais considérée comme étant la science et l'instruction en religion. Et celui qui soutient l'union en religion est considéré comme hérétique ou fou. Ceci est donc le deuxième des fondements qu'a exposé l'auteur, rahimahullah ta'ala, et c'est l'union dans la religion et l'interdiction de se diviser dans celle-ci. Comme vous le voyez, ce fondement est un fondement immense qui est prouvé par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que par la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, et comme nous allons le voir, incha'Allah, à travers différents versets et différents hadiths. Mais ce fondement est également prouvé par la mise en pratique des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que celle des pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Quant aux preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans son noble livre « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا » Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans son noble livre « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela, tu n'es responsable en rien. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc interdit la division. Il nous a ordonné d'être unis sur la religion. Et il a énoncé certaines conséquences néfastes de la division, que ce soit pour l'individu ou bien pour la société et même pour l'ensemble de la communauté. Quant aux preuves de ce fondement immense tiré de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne le méprise pas. La piété est ici. » Et il indiqua sa poitrine. Il a ensuite dit « Il suffit aux musulmans pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est interdit aux musulmans, son sang, son honneur et ses biens. » Et dans une autre version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous espionnez pas et n'enchérissez pas sur les ventes les uns des autres, mais soyez des serviteurs d'Allah et des frères. » Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à la fraternité entre musulmans et il nous a prévenus contre toute chose pouvant porter atteinte à cette fraternité. Et parmi ces choses, le fait d'être injuste envers ton frère, le fait d'abandonner ton frère ou de le mépriser, mais également le fait de s'envier les uns les autres, de se détester les uns les autres, ou encore de s'espionner ou de surenchérir sur les ventes de ton frère. Toutes ceci sont des causes qui mènent à la division entre les musulmans et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre cela. Dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est pour le croyant comme l'édifice dont une partie supporte l'autre, dont une partie supporte l'autre. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'union est une miséricorde et la division un châtiment. L'union est une miséricorde et la division un châtiment. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, soyez unis et prenez garde à la division. Soyez unis et prenez garde à la division. Ceci sont donc des hadiths clairs dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement ordonné de fait de nous unir sur la religion et il nous a prévenus contre la division. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu, ne t'indiquerai-je pas un commerce? Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu, il répondit alors, mais si au messager d'Allah, c'est-à-dire qu'il a voulu connaître ce commerce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lui indiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors donné cette réponse, que tu t'efforces de réconcilier entre les gens lorsqu'ils sont en désaccord et que tu les rapproches lorsqu'ils s'éloignent les uns des autres. Et que tu les rapproches lorsqu'ils s'éloignent les uns des autres. Ceci est donc une recommandation immense de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de réconcilier entre les gens lorsqu'ils sont en désaccord et de les rapprocher les uns les autres lorsqu'ils s'éloignent. Et en parallèle de cet ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adressé aux croyants de s'aimer les uns les autres, de s'entendre entre eux, d'aimer le bien pour les autres, de s'entraider dans le bien et la piété et de faire toute cause qui renforce cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a en parallèle interdit tout ce de quoi découle la division des musulmans ainsi que leur éloignement les uns des autres. Et ce car la division et l'animosité, cela comporte des méfaits immenses pour la communauté. Et on a vu certains exemples de cela, comme l'interdiction de la surenchère, ou on pourra encore citer l'interdiction de la demande en mariage d'une femme que ton frère a déjà demandé, et le fait encore de s'isoler à deux lorsqu'on est trois pour discuter, etc. Tout ceci sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit afin de prévenir contre la division. Et ce car la division, elle réjouit qui ? Elle réjouit les démons parmi les djinns et les hommes. Et les démons parmi les djinns et les hommes, ils ne veulent pas que les musulmans ils soient unis, mais ils veulent que les musulmans soient divisés. Ils veulent qu'ils se divisent, et ce car ils savent que la division, elle affaiblit les musulmans. Et elle leur fait perdre leur force. Cette force qu'ils obtiennent comment ? En se conformant à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en s'orientant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc encouragé à l'entente et à l'amour, et ce par sa parole ainsi que par ses actes. Et il a interdit la division et la divergence et toute cause qui mène à la discorde entre les musulmans. Et toute cette religion, elle est en réalité basée sur cela. Elle est basée sur l'union et sur la prévention contre la division. Et il suffit pour cela de méditer sur les cinq piliers de l'islam. Quelle est la parole que doit prononcer toute personne qui souhaite entrer en islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Cette parole, elle doit être prononcée par toute personne qui souhaite entrer en islam, quel que soit son rang social, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit blanc ou noir, pour entrer en islam, il doit prononcer cette seule et même parole. Et l'islam n'a pas fait de distinction entre les gens pour entrer en islam. Également en ce qui concerne la prière. La prière, elle a été ordonnée pour les hommes en groupe dans les mosquées. Et ce afin qu'ils se réunissent de nombreuses fois dans la journée et méditer sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a ordonné, lors de la prière en commun, d'aligner leurs rangs. Lorsqu'il a ordonné aux musulmans, lors de la prière en commun, d'aligner leurs rangs. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, alignez vos rangs, sinon Allah fera diverger vos cœurs. Sinon Allah fera diverger vos cœurs. Donc, de ce simple fait, ce simple geste d'aligner les rangs en prière, Allah subhanahu wa ta'ala préserve quoi? Nous préserve de la division de nos cœurs et de la divergence de nos cœurs. Alors que dire de celui qui délaisse complètement cette prière, qu'il la délaisse en groupe ou alors qu'il la délaisse dans la totalité et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour la zakat, l'aumône légale qui a été légiférée sur les biens des riches dont ils doivent verser une partie aux pauvres. Et ceci afin de retirer toute rancune de leur cœur et d'engendrer l'amour entre les riches et les pauvres parmi les musulmans. Et il en est de même également pour le jeûne et pour le pèlerinage. Le jeûne, il a été légiféré en un seul mois, le mois de Ramadan. Et les musulmans du monde entier jeûnent tous réunis ensemble durant ce mois. Quant au pèlerinage, il est accompli en un seul lieu, en un seul moment. Et regardez ces millions de musulmans qui se sont dirigés en séjour vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'accomplir le pèlerinage. De quoi sont vêtus les hommes lorsqu'ils accomplissent le pèlerinage? Ils sont tous vêtus du même vêtement, sans aucune distinction entre les classes sociales. Le pauvre est vêtu du même vêtement que le riche qui, dans sa vie de tous les jours, est vêtu de vêtements luxueux. Mais pour le pèlerinage, il porte le même vêtement que le pauvre. Il n'y a pas de différence dans cela entre donc le pauvre et le riche, il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir et aucune distinction. Et la seule chose qu'il distingue entre les hommes dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Inna akramakum indallahi atqakum ». Certes, le plus honoré parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Et certes, le plus honoré parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Quant aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comme on l'a dit, ils ont mis en pratique ce fondement immense. C'est-à-dire qu'ils ont veillé à l'union des musulmans et à l'union de la communauté. À titre d'exemple, on peut mentionner le fait qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains ont apostasié et d'autres ont refusé de verser l'aumône à Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont refusé de verser la zakat. Alors Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a combattus. Et ce, afin qu'ils se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, afin que la communauté ne diverge pas. Et de préserver l'union des musulmans. Quant à Omar, radiyallahu ta'ala anhu, on rapporte une histoire étonnante à ce sujet. Il est rapporté qu'à l'époque de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, un homme est venu d'Irak et il interrogeait au sujet des versets qui prêtent à équivoque. Alors qu'a fait Omar? Radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque ceci lui est parvenu, il a attrapé cet homme et il l'a frappé très sévèrement. Il l'a tapé tellement fort que cet homme a dit « Ce qui était en moi est sorti de moi. Ce qui était en moi est sorti de moi. » Et ce qu'Omar, radiyallahu ta'ala anhu, l'a réprimandé très sévèrement. Après cela, Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné les gens d'Irak de boycotter cet homme. Il a ordonné les gens d'Irak de boycotter cet homme. Et quel était le but de cela? Le but de cela était de préserver la communauté des ambiguïtés qu'il aurait pu propager, et ce afin de veiller à l'unité des musulmans, afin qu'ils restent unis sur la vérité. Et ceci est une chose légiférée, le fait de boycotter une personne qui propage des ambiguïtés parmi les musulmans. Également, on mentionne parmi les œuvres des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, afin de préserver l'unité des musulmans, le fait que Uthman, radiallahu ta'ala anhu, lorsque les gens ont commencé à diverger à son époque au sujet des différents masahif, il les a unis sur un seul et unique mushaf, et ce afin qu'ils ne divergent pas. Quant à Ali, radiallahu ta'ala anhu, il est celui qui a combattu les Khawarij. Ceux qui se sont séparés du groupe et se sortit contre la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il les a donc combattus afin de préserver l'union des musulmans et de prévenir contre la division. Ceci sont donc quelques agissements des califes bien guidés radiyallahu ta'ala anhum, et nombre de compagnons ont agi ainsi. On mentionne également l'histoire très connue de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il est sorti au pèlerinage sous le califat de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il y avait avec Uthman de nombreux bédouins qui sont sortis accomplir le pèlerinage. Alors Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il accomplissait les prières entièrement alors qu'il était en voyage. Il accomplissait les prières de 4 unités complètement. Il ne les raccourcissait pas. Radiyallahu ta'ala anhu. Alors que ceci est ou bien recommandé ou bien obligatoire selon les différents avis des savants. Mais Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il a fait ça pourquoi? Parce qu'il avait peur que les bédouins croient que la prière s'accomplissait toujours ainsi, c'est-à-dire en 2 unités. Il a eu peur de cela, donc il a accompli la prière complètement. Et Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il priait derrière lui et il accomplissait la prière complètement. Et lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, méditez sur la réponse qu'il a donnée. Il a répondu, la divergence est un mal. On voit donc que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils veillaient à l'union des musulmans par leurs paroles et aussi par leurs actes. Et on mentionne cette parole bien connue également d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui a dit, « Oh vous les gens, accrochez-vous à l'obéissance et à l'union, car c'est certes le câble d'Allah auquel il nous a enjoint de nous accrocher. Et certes, ce que les gens réprouvent dans l'union est bien meilleur que ce qu'ils aiment dans la division. » Ceci nous montre donc que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont veillé à l'union des musulmans, comme on l'a dit, par leurs paroles et leurs actes. Car ceci est une chose importante et cela fait partie des fondements de cette religion. Et il incombe donc aux musulmans de manière générale et aux étudiants en sciences plus particulièrement de préserver ce fondement immense et de veiller à l'union des musulmans et de prévenir contre la division au sein de la communauté. Et même si certaines divergences ont eu lieu au temps des compagnons, et ce, même au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont divergé entre eux au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le messager était vivant et qu'il était parmi eux. À titre d'exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina la bataille des coalisés, Jibril alayhi salam est venu à lui et lui a ordonné de sortir vers Bani Qurayza, car les Bani Qurayza avaient rompu leur pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit à ses compagnons que nul d'entre vous n'accomplisse la prière de l'Asr si ce n'est chez Bani Qurayza. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils sont alors sortis de Médine et ils se sont dirigés vers Bani Qurayza. Puis l'heure de l'Asr est arrivée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains d'entre eux, ils ont dit, nous ne prierons que chez Bani Qurayza, et ce même si le soleil se couche. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de ne prier la prière de l'Asr que chez Bani Qurayza. Ils ont donc dit, nous avons entendu et obéi. D'autres parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous accomplissons la prière en son temps. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a ordonné cela, il n'a pas voulu que l'on retarde la prière de son temps, mais il a voulu que l'on s'empresse afin d'arriver chez Bani Qurayza à l'heure qu'il était encore l'heure de l'Asr. Et il n'a pas voulu que nous retardions la prière. On voit donc que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont divergé sur quoi? Ils ont divergé sur la compréhension de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ceci est parvenu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il les a blâmés? Ou est-ce qu'il a réprimandé un groupe parmi eux? Non, il n'a blâmé personne parmi eux pour ce qu'ils avaient compris et il ne les a pas réprimandés. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les compagnons ont fait, radiallahu ta'ala anhum? Est-ce qu'ils se sont divisés? Est-ce qu'ils sont entrés en discorde pour cela? Non, ils ne se sont pas divisés à cause de cette divergence, car ceci n'est qu'une divergence d'opinion sur quoi? Sur la compréhension du hadith, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le pieux prédécesseur, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont aussi mis en pratique cela, et on compte même parmi les fondements des gens de la sunna concernant les questions sujettes à divergence, que si la divergence est le fruit d'un effort de réflexion et qu'elle est sur une question au sujet de laquelle la divergence est tolérée. Et faites bien attention à cette restriction. C'est-à-dire que ce point et ce fondement que l'on va mentionner, il ne concerne que les questions au sujet desquelles la divergence est tolérée. Alors sur ces questions, si les gens de la sunna divergent, alors ils s'excusent les uns les autres pour cette divergence. Et ils n'ont aucune rancœur, aucune haine les uns envers les autres. Au contraire, ils ont plutôt la conviction qu'ils sont des frères. Et il se peut même que tu trouves l'un d'entre eux prier derrière quelqu'un qu'il considère ne pas avoir les ablutions. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Par exemple, les gens de science ont divergé quant à la viande de chameau. Est-ce que manger la viande de chameau annule les ablutions ou non? Certains ont dit que oui, et c'est l'avis le plus juste, inshallah. Mais d'autres ont dit que non. Et leur divergence, elle est basée sur quoi? Sur la compréhension des textes rapportés à ce sujet. Ainsi donc, si un prieur, il suit l'avis que ceci annule les ablutions, mais que l'imam derrière lequel il prie est d'avis que cela n'annule pas les ablutions, alors on voit que tous deux, ils suivent un avis qui est basé sur les preuves. Le prieur, il considère donc que la prière derrière cet imam, elle est valide. Il considère que la prière derrière cet imam, elle est valide. Alors que pour lui, si lui-même, il avait mangé la viande de chameau, il n'aurait pas prié sans refaire les ablutions. Et s'il avait fait cela, il aurait alors considéré sa propre prière invalide. Mais il considère la prière derrière cet imam valide. Pourquoi? Car tous deux se sont basés sur une preuve. Et les gens de la sunna, ils considèrent que la divergence qui est due à un effort d'interprétation sur une question sur laquelle l'effort d'interprétation est admis, alors en réalité, elle n'est pas une divergence. Alors en réalité, elle n'est pas une divergence. Pourquoi? Car les deux parties, ils suivent ce qu'ils sont obligés de suivre comme preuve. Et il n'est pas permis pour chacun d'entre eux, il n'est pas permis de se détourner de ce qui leur est apparu comme preuve. Ainsi, si ton frère s'oppose à toi sur une œuvre quelconque, tout en suivant une preuve, alors en réalité, il n'est pas en désaccord avec toi, mais il est en accord avec toi. Il est en accord avec toi. Car toi, tu appelles à quoi? À quoi tu appelles en réalité? Tu appelles à suivre la preuve, où qu'elle soit. Par conséquent, si ton frère s'oppose à toi en se confirmant une preuve qu'il a, il est en réalité en accord avec toi, car il a agi conformément à ce à quoi tu appelles, qui est d'appliquer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, ceci ne concerne que les questions sur lesquelles la divergence est tolérée, à l'exemple de la question que l'on a mentionnée. Quant aux questions sur lesquelles la divergence n'est pas tolérée, à l'exemple des questions liées à la croyance, au sujet desquelles beaucoup de gens se sont égarés parmi les gens de l'innovation et autres. Alors tout ce qui s'oppose à ce sur quoi étaient les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ainsi que leurs disciples, est rejeté. Tout ce qui s'oppose à ce sur quoi étaient les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, en termes de croyance, est rejeté. Et il n'y a pas eu de divergence au sujet de ces questions entre les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Ainsi, si quelqu'un s'oppose à ce sur quoi étaient les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ainsi que leurs disciples, alors ceci est contre lui et sa divergence n'est pas acceptée, mais elle est rejetée. Quant aux questions sur lesquelles la divergence était présente au temps des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, et celles qui admettent l'effort d'interprétation, alors il est inévitable que la divergence perdure sur celle-ci. Si les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ont divergé sur cette question, alors forcément, les gens qui viennent après eux divergeront. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce sujet, lorsque le juge prononce un jugement après un effort de réflexion, s'il s'avère juste, il aura alors deux récompenses. Et s'il se trompe, il aura une récompense. C'est-à-dire, il aura tout de même une récompense pour son effort de réflexion. Et ceci est la règle concernant ces questions. Il incombe donc à l'ensemble des musulmans de s'unir sur la vérité et d'être une seule communauté. Et ils ne doivent pas laisser se produire la division entre eux, ni aucune forme de sectarisme, de sorte qu'ils se disputent entre eux, se prennent pour ennemis et se détestent mutuellement à cause d'une divergence sur une question admettant l'effort d'interprétation. Et si on diverge sur certains points, d'après ce qu'impliquent les textes, selon nos compréhensions, alors ceci est une affaire sur laquelle on doit faire preuve de souplesse et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est important, c'est d'unir nos cœurs ainsi que nos discours. Mais les unir sur quoi ? On a vu depuis le début de ce cours que les musulmans doivent être unis, que leurs paroles et leurs cœurs doivent être unis. Mais sur quoi doivent-ils être unis ? Est-ce que le but est simplement d'unir les musulmans, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur idéologie, ou alors de les unir sur une chose ? La réponse est que le but est d'unir les musulmans sur la vérité. Le but est d'unir les musulmans sur la vérité, c'est-à-dire sur la croyance correcte, sur la croyance des gens de la sunna et du groupe, sur la croyance sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ainsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle à l'union et ordonne l'union des musulmans, c'est-à-dire qu'il leur ordonne de s'unir sur la vérité et de suivre la vérité, et ce, même si ceux qui s'accrochent à la vérité sont peu nombreux. Comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le groupe, ce sont ceux qui se conforment à la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne l'union et nous enjoigne de nous unir, c'est-à-dire qu'il nous enjoigne de nous unir sur la vérité. Enfin, pour finir, j'aimerais vous citer certaines causes qui permettent aux musulmans de s'unir, ainsi que certaines causes qui mènent à la division, et ce afin de nous en écarter. Parmi les causes qui permettent de préserver l'union des musulmans, il y a tout d'abord le fait de revenir à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, et ce dans chaque domaine de la religion, en commençant par la croyance. Les salafs, rahimahumullahu ta'ala, ils étaient sur une croyance authentique et de ce fait, il n'y avait pas de divergence entre eux et il n'y avait pas de discorde entre eux, mais ils étaient unis. Ils avaient tous la même croyance qui est la croyance authentique qui correspond au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils n'ont pas divergé sur les questions liées à la croyance. La deuxième cause permettant de préserver l'union des musulmans et le fait de prendre pour juge, de prendre pour arbitre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans tout désaccord. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul » et si vous divergez sur quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à son messager, c'est-à-dire à sa personne lorsqu'il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant qu'il est mort, alors à sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lors de toute divergence et lors de tout désaccord entre les musulmans, le remède de cela est simplement de prendre pour juge et de prendre pour arbitre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous l'a ordonné dans ce verset. Et si les musulmans accomplissent cela, si lors de chaque désaccord, ils renvoient cela au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ne divergeront pas, ils seront unis. Et ceci est valable pour toute la communauté, de manière générale, mais également pour tout groupe aussi petit soit-il, et ce même dans les foyers musulmans. Lors de tout désaccord entre l'époux et l'épouse, il leur suffit pour remédier à ce désaccord de revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de se soumettre à la sentence qui est mentionnée dans le livre et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la troisième cause permettant de préserver l'union des musulmans. C'est l'étude de la science religieuse. En effet, la science, elle va te permettre de discerner le faux de la vérité. Ainsi, celui qui étudie, il obtient le salut bi-idhnillahi ta'ala. Tandis que celui qui reste sur son ignorance, ils s'égarent et il n'y a pas de doute. Et nombre de ceux qui tombent dans l'égarement et qui tombent dans les filets des gens de l'innovation, ce n'est dû qu'à leur ignorance de la religion. Et ce, car ils n'ont pas fait les causes pour se préserver. Ils ne cherchent pas à apprendre la religion. Ils restent sur son ignorance. Ils n'apprennent pas les règles de la religion. Alors de ce fait, ils s'égarent et ils se séparent du groupe des musulmans et ils divergent donc de la vérité. Ceci sont donc quelques causes qui aident à préserver l'union des musulmans sur la vérité. Et les délaisser ces causes, mènent à la discorde. Et la discorde et la divergence, elles ont des causes desquelles nous devons nous écarter. Parmi ces causes, nous mentionnerons tout d'abord l'ignorance. Comme on l'a dit, l'ignorance est la cause principale de la divergence. L'ignorance de la religion est la cause principale de la divergence et de la discorde entre les musulmans. Et l'ignorance est de deux sortes. Le premier type d'ignorance est l'ignorance simple. C'est l'absence de connaissance de la vérité. Celle-ci est simple à lever, car il suffit à l'ignorant d'apprendre pour lever cette ignorance. Le deuxième type d'ignorance est l'ignorance aggravée. Et c'est le fait de penser être sur la vérité, alors qu'en réalité, il est sur le faux. Et c'est de cette ignorance dont souffre la majorité des gens de l'innovation. Et c'est de cette ignorance dont souffre la majorité des gens de l'innovation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions qui sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Le deuxième cause de divergence et de division est l'innovation en religion. Les gens de l'innovation, les innovateurs, ils pensent être sur le bien à cause de leur ignorance aggravée, comme nous venons de le mentionner. Et certes, quiconque innove dans la religion, il s'est certes séparé du groupe. Et on rapporte à ce sujet l'histoire bien connue d'Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. À son époque, des gens se sont réunis dans la mosquée en cercle et qu'ils faisaient le tasbih, le tahmid et le tahlil. C'est-à-dire qu'ils disaient Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et ils comptaient leur tasbih, leur tahmid et leur tahlil à l'aide de petites pierres. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il les a donc blâmés pour cela. Et il a considéré ceci comme étant interdit. Car certes, ceci est une innovation qui n'était pas présente chez les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhum, il les a donc blâmés. Et on rapporte que la majorité des gens présents dans cette assise, ils étaient avec ceux qui sont sortis contre Ali radiallahu ta'ala anhum. Ils étaient donc parmi les khawarij. Et de cela, on tire une leçon immense, qui est que l'innovation, elle commence petite et elle finit grande. Et elle finit avec le fait que la personne se sépare du groupe des musulmans et en vient même à quoi ? À tuer les musulmans, wal'ayadu billah. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, regardez, ils ont commencé avec cette petite innovation, qui est le fait de compter le tasbih, de compter le tahmid avec ces petites pierres. Et ils ont fini par quoi ? Ils ont fini par combattre ce noble compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhu. Le musulman, il doit donc prendre garde à toute innovation, qu'elle soit petite ou grande, car certes, toute innovation est égarement, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La troisième des causes que nous pourrons mentionner, parmi les causes menant à la discorde et à la divergence entre les musulmans, il y a les passions et les maladies de l'âme. Les passions et les maladies de l'âme, comme l'orgueil, l'amour de ce bas monde, ou encore l'amour de la notoriété. En effet, beaucoup de gens qui se séparent de la vérité et qui délaissent le suivi de la vérité ne le font que par passion, ou par orgueil, ou par amour de ce bas monde ou de la notoriété. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. Est-ce que à chaque fois qu'un messager vous vient, avec ce qui ne correspond pas à vos passions, vous vous enflez d'orgueil. C'est-à-dire que vous délaissez son suivi à cause de quoi ? Car il est venu avec ce qui ne correspond pas à vos passions. Et il en est de même pour la majorité des gens de l'innovation et de la majorité des gens qui se sont séparés du droit chemin et de l'union. Ils ont suivi leur passion. Ils ont délaissé la vérité car elle ne correspond pas à leur passion. Ils se sont donc enorgueillis et ont délaissé le suivi de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Le suivi des passions est donc une cause pour se séparer de la vérité et pour causer la division des musulmans. Et on a mentionné également les maladies de l'âme, comme l'orgueil, l'amour de ce bas monde et l'amour de la notoriété. Combien de personnes parmi ceux qui aiment la notoriété sont la cause de division au sein de la communauté? Et comme ils sont nombreux, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas multiplier leur nombre. La quatrième cause, parmi les causes menant à la division et desquelles on doit s'écarter, on compte le fanatisme, le sectarisme et le suivi aveugle. Ceux qui se fanatisent pour leur cheikh, ceux qui se fanatisent pour leur gourou et qui se sectarisent, alors ils n'acceptent que les paroles de leur cheikh, que les paroles de leur gourou, et ils rejettent la parole de tout autre que lui. Ils n'acceptent que les paroles de leur parti, des gens de leur secte, des gens de leur groupe, et tout ce qui s'oppose à cela, ils le rejettent, même si ceci est la vérité, même si ceci est basé sur les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils le rejettent pourquoi? Car ceci n'est pas prononcé par leur imam, ceci n'est pas prononcé par leur guide, ceci n'est pas prononcé par le chef de leur confrérie. Alors ils suivent aveuglément leur chef, ils suivent aveuglément leur gourou et ils divisent les musulmans et se séparent du groupe des musulmans et ainsi sont la cause de la désunion. Cinquièmement, parmi les causes de division entre les musulmans et les causes de discorde, il y a le fait de suivre les versets à équivoque. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre qu'il y a des choses qui sont claires sans équivoque et il y en a d'autres qui prêtent à d'interprétations diverses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant quoi? Cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et on a vu à ce sujet, au sujet des versets qui prêtent à équivoque, le récit de Omar au début de cette assise, lorsqu'il a frappé sévèrement celui qui a interrogé au sujet de ces versets et qui l'a ordonné de les boycotter. Enfin, sixièmement, parmi les causes menant à la division et à la divergence au sein de la communauté, il y a le fait de poser beaucoup de questions au sujet de ceux qui ne te concernent pas. Ou alors des questions qui comportent une nuisance. Le musulman doué de raison, lorsqu'il pose une question, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche à profiter, il recherche un bénéfice, il recherche une chose qui lui permettra de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ce qui comporte aucun bénéfice, ou alors encore pire, ce qui comporte une nuisance, alors le musulman doué de raison, il s'écarte de cela, car il sait que ces questions, elles peuvent être une cause de discorde et de division. Donc, lorsque tu poses une question, tu dois d'abord t'interroger avant de poser cette question. Est-ce que ceci est une chose qui est profitable? Est-ce que connaître la réponse à cette question va me permettre de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? est-ce que ignorer la réponse à cette question va me nuire? Si la réponse à cette question est une chose qui va te permettre de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que l'ignorance de la réponse de cette question pourrait te nuire, alors dans ce cas, tu poses cette question, car il y a en celle-ci un bénéfice duquel tu vas profiter. Quant au fait de poser une question, dans le fait d'ignorer la réponse ne va pas te nuire, et que la savoir et la connaître ne va en rien te profiter, alors ceci est une question qui doit être délaissée. Et on mentionne, à titre d'exemple, l'histoire bien connue d'Ash-Sha'bi, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'un homme est venu à lui et lui a dit, quel est le nom de l'épouse d'Iblis? Quel est le nom de l'épouse d'Iblis? Ash-Sha'bi, rahimahullahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a répondu à cette question? Ceci est un mariage auquel je n'ai pas assisté. Ceci est un mariage auquel je n'ai pas assisté. Et il a voulu ici attirer l'attention de ce questionneur afin de lui montrer que cette question ne comporte aucune utilité pour lui. Ainsi, ceux qui ne comportent aucun bénéfice, tu n'interroges pas à son sujet. Mais s'il y a dans cette question une chose qui peut faire augmenter ta foi, une chose qui peut faire augmenter ta science, une chose qui peut te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire disparaître ton ignorance, alors dans ce cas, tu poses cette question afin d'en profiter. Quant aux questions qui ne sont pas profitables, alors tu les délaisses et médite à ce sujet. Médite à ce sujet sur les questions que posaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Elles sont rapportées dans les hadiths et ce sont des questions dont on profite jusqu'à nos jours. Et n'interrogez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que sur des choses profitables. Et on a tiré de leurs questions de nombreux bénéfices qui nous permettent jusqu'au jour d'aujourd'hui de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, certes ce qui a causé la perdition de ceux qui vous ont précédé, ce ne sont que le grand nombre de leurs questions et leurs divergences vis-à-vis de leurs prophètes. Ceci sont donc quelques causes qui mènent à la discorde et desquels le musulman doit prendre garde, et desquels il doit s'éloigner. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés de bien et des causes de l'union des musulmans. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la discorde et de la désunion. On demande enfin à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous. Il est certes capable de toutes choses et c'est lui qui répond aux invocations de ses serviteurs. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.